Il est en direct de Belgique, c'est Guillaume Guise. Pardon Guy. Non, ça fait toujours plaisir. de sentir aimé, c'est vraiment le plus important, je pense. Derrière ça, vous êtes quelquoin de très fort. Pardon, c'est ça qui compte. Pardon. C'est à vous, ça va les amigos. Ouais, ouais. Et là, je décompte les heures. Hein. Ah, nous aussi, à 16h15, il y a affaire conclue. Non, je sais. Non, mais j'ai mis mon alarme. On va la négocier ensemble, cette cafetière. Mais non. C'est pas pour ça que je décompte les heures. Non, ce soir c'est Barça PSG. Ah. Voilà. Moi je parle jamais de foot dans l'émission parce que Nagui déteste le foot. La preuve c'est que je crois qu'il est genre pour l'équipe de France. Oh, le foot c'est vraiment pas son truc quoi. Mm. Et on en profite pour saluer Nagui qui après 40 ans d'esquive est enfin parti faire son service militaire en Égypte. Alors où on parle, il est peut-être de corvée patate dans le Sinaï. J'ai envie de dire Nagui, si tu nous écoutes. Mais je vais pas le faire parce que je sais qu'il écoute jamais quand c'est Leïla qui présente. Un jour, il m'a dit plutôt crever dans une avalanche. Il a confiance. Et moi, je trouve dur parce que j'écoute Leïla ce matin et je me dis oui, il y a un côté amateur. Oui, t'as plus l'impression que c'est atelier radio. Mais ce qu'on perd en professionnalisme, on gagne en enthousiasme. En plus, avec Leïla aux commandes, on peut parler de foot. Elle s'y connaît. Elle a un vrai passé dans le hooliganisme. On l'appelait barre de fer dans le coq de Boulogne. Et pas uniquement parce qu'elle est longiligne. Hein. Non, ce qu'elle raconte dans son livre, Moi, les nazis, c'est presque fini. C'était vraiment formidable. Enfin, soit, le PSG, c'est votre club, Leïla, mais c'est pas le mien. Moi, le PSG, c'est un club. Il a trop de fric. Il voit un joueur, il l'achète. Et voilà, c'est un mauvais club. Alors que le Barça, c'est un club. Il a trop de fric, il voit un joueur, il l'achète, mais voilà, c'est un bon club. Et j'ai longtemps pensé que cette blague avait du potentiel. Hein. Ouais. J'ai revu le sketch des Inconnus, je me suis dit, je vais faire pareil. Ils vont halluciner dans le studio, ça va être tapage de cuisses, urine de rire. Ben, si j'avais su, je me serais tenu à la suite de mon texte, hein, que voici d'ailleurs. Comme quoi, vaut mieux un bon enchaînement que deux, tu l'auras. Barça PSG, les gars. Barça PSG, ouais. Ça va être le fuego. On a tous en tête la remontada de 2017. Mm-hmm. 6-1. Moi, j'étais comme un fou ce soir-là. Trop d'émotions. J'ai fait un enfant. Entre temps, je l'ai revendu à Kids United. Mais quel match! Moi, le Barça, c'est mon club de cœur. Vous me connaissez. Toute ma famille vient de Barcelone. Mon grand-père, Ernesto Guisi Mendes, y Flores, y Morales, y González, y Venga, Venga, Senior. Il tenait un bordel sur les Ramblas. Hein. Là, il y a Daniel qui fait putain toute mon adolescence. Mais je sais, mon grand-père m'a dit passe-lui le bonjour. Il paraît qu'on vous appelait l'homo 300 pesetas. C'était pas assez pour l'amour, mais qu'est-ce qui s'est fait décaloter, notre Daniel? Oh, ah, non. Barça PSG, les gars, je suis chaud peignoir. Quel que soit le résultat, ça va être le plus beau moment de ma semaine. Et je dis pas ça uniquement parce que j'ai des semaines qui sentent l'ancien pied. Non, le foot, c'est vraiment ce qui me tient la tête hors de l'eau, quoi. En 2021, je crois que j'ai regardé genre 6000 matchs. Je regardais Angers-Dijon, en Ligue 1 Uber Eats. Je suis devenu insensible à la douleur, j'ai plus de limites. Je regarde tout, le championnat du Costa Rica en baby foot. Dans les programmes de foot, c'est vrai. Il y a des gens qui te font, non, mais le football, avec les stades vides, pour moi, c'est plus du football. Ah ouais, genre avant tu regardais le foot pour les tribunes. Tu te disais, ah, les supporters de Saint-Etienne, ça leur va tellement bien le vert. Tu te disais, waouh, quel beau gradin. Ah, ça c'est un alliage béton granit. Ça va tenir des décennies, ça. Non, hein. Moi je me suis habitué au faux bruit d'ambiance. Je me concentre sur le jeu et le jeu ça me connecte à la vie d'avant. Le football, personne peut le faire en télétravail. Hein. Mbappé, il peut pas déborder sur Zoom. Impossible. Les joueurs ils jouent comme avant et quand ils marquent. Ils s'embrassent et tout, ils s'enlacent, ils se câlinent comme avant. Quoi. Moi, je suis jaloux, j'adorerais qu'on puisse faire ça dans l'émission. Genre, après chaque chronique, je me jetterais sur Jérémy, qui se jetterait sur Morgane, qui porterait plainte, puis qui se jetterait sur Alexis, qui se jetterait sur Tanguy, qui se jetterait... Non, Tanguy, il se jetterait sur personne, c'est un peu créé l'interaction humaine. C'est pas ton tempérament, ok? Enfin bref, ce soir, je vais m'évader pendant 90 minutes. Avec un peu de chance, mon esprit va errer sur les Ramblas où je croisais mon grand-père et l'homme aux 300 pesetas. Allez, bonne nuit. Bravo. Bravo Guillermo Guise.